Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville. Traduction et adaptation de Philippe Jaworski. Réalisation Jean-Mathieu Zande. Dixième épisode. Une curieuse aventure est survenue à Kikeg, le harponneur polynésien du Pequod. Se sentant mourir après avoir contracté une forte fièvre dans la cale humide du navire, il a demandé qu'on lui fabrique un cercueil qui l'emportera, croit-il, jusqu'aux archipels des étoiles. Mais soudain, se rappelant qu'il n'a pas rempli une certaine obligation à terre, il revient miraculeusement à la vie. La vie, la mort. Une nuit, Starbuck, le second, partagé entre le devoir d'obéissance et l'impulsion à la révolte, manque céder à la tentation de tuer son capitaine, qu'il sait prêt à sacrifier l'équipage à son dessein. Ce capitaine, qui vient de briser en mille morceaux son sextant, le précieux instrument de navigation, coupable, à ses yeux, de ne pas pouvoir lui révéler à l'avance les déplacements de la proie qu'il poursuit, Moby Dick, le cachalot blanc. Le lendemain du typhon, la mer toujours inapaisée roulait de longues et puissantes lames et la brise soufflait en rafales vigoureuses. Le soleil demeurait invisible, voilé dans la lumière vive du matin. Akab se tenait sur le pont, à l'écart, comme plongé dans un silence enchanté. Quand son navire titubant piquait du nez, il levait les yeux vers les rayons flamboyants du soleil à l'avant, et quand le bâtiment tanguait lourdement sur l'arrière, il se retournait pour observer ces mêmes baïonnettes de feu dans son sillage. Ah, mon navire! On pourrait te prendre en cet instant pour le char marin du soleil. Oh, nation du monde! Vous toutes dispersées devant ma proue, je vous apporte le soleil! Voilà! Je suis le timonier des océans! Mais une pensée bien différente lui fit soudain serrer la bride. Il se précipita vers la barre. Toi, dis-moi, quel est le cap du navire? Est-sud-est, monsieur. Tu mens. Le cap à l'est, le matin, à cette heure-ci, avec le soleil en poupe? La consternation était générale, car le phénomène que venait de remarquer Akab avait inexplicablement échappé à tous, en raison même sans doute de son aveuglante évidence. Passant à demi la tête dans l'habitacle, Akab jeta un coup d'œil au compas. Pendant un instant, il parut chanceler. Starbuck, qui était derrière lui, regarda aussi. Les deux aiguilles indiquaient l'est, alors que, sans doute possible, le Pequod faisait route vers l'ouest. Oh, je comprends. Cela s'est déjà produit. La foudre de la nuit dernière a faussé les compas, monsieur Starbuck, voilà tout. Vous avez déjà entendu parler de ces phénomènes, j'imagine. Oui, mais je n'en avais jamais été encore personnellement témoin, monsieur. Du tranchant de sa main tendue, le vieil homme prit la position exacte du soleil. Et ayant vérifié que les aiguilles étaient précisément inversées, il donna ses ordres pour que le cap du navire fût modifié en conséquence. Les trois officiers obtempérèrent sans murmurer, et une fois de plus, le Pequod jeta sa proue intrépide dans la brise contraire. Pendant un moment, Akab arpenta le pont en proie à des songeries houleuses. Mais quand son talon d'ivoire vint à glisser sur les planches, il aperçut les débris des tubes de cuivre du sextant qu'il avait brisé la veille sur ces mêmes bordages. Pauvre et fier guetteur de ciel, pilote du soleil. Hier, je t'ai naufragé et aujourd'hui, les compas auraient bien aimé me rendre l'appareil. Mais Akab est toujours maître et seigneur de l'aimant. Monsieur Starbuck, allez me chercher une lance sans hampe, un maillet est la plus fine des aiguilles à voile. Vite ! Bien, monsieur. Le vieil homme n'était pas sans savoir qu'on peut toujours gouverner tant bien que mal avec des aiguilles retournées. Mais alors, songeait-il, les marins superstitieux prendraient à coup sûr la chose pour un mauvais présage. Il lui fallait être prudent, ranimer l'ardeur de son équipage par une démonstration d'adresse et de subtilité aussi impressionnante qu'avait été spectaculaire cette altération de la vertu magnétique des aiguilles. Matelot ! Il se tourna vers l'équipage tandis que le second lui tendait les objets demandés. Marin du Pequod, la foudre a inversé les aiguilles du vieil Akab, mais avec ce morceau d'acier, Akab est capable de fabriquer son propre compas qui montrera la direction aussi sûrement que n'importe quel autre. Les marins, fascinés, attendaient de voir quelle sorte de magie allait se produire. Akab détacha la pointe d'acier de la lance. Puis, tandis que Starbuck tenait droite la tige de fer sans qu'elle touche les planches, il frappa plusieurs fois l'extrémité de la lance. Il posa sur cette dernière l'aiguille émoussée et martela encore un peu. Il imprima alors à la tige quelques discrets et singuliers mouvements dont il était difficile de dire s'ils étaient indispensables à la magnétisation de l'acier ou simplement destinés à accroître l'effroi sacré des hommes. Enfin, il demanda du fil de lin. Revenant à l'habitacle, il en retira les deux aiguilles faussées et, au moyen du fil de lin, suspendit l'aiguille à voile horizontalement par son milieu au-dessus de l'une des roses des vents. L'aiguille tourna un moment, frémissante et vibrant à ses deux extrémités, puis se fixa à sa place. Voyez par vous-même si Akab n'est pas le seigneur et maître de l'aimant. Le soleil est à l'est et cette boussole en fait le serment. Les hommes s'approchèrent et glissèrent l'un après l'autre un œil dans l'habitacle, car seul le regard de chacun pouvait avoir raison de son ignorance. Et l'un après l'autre, ils s'éloignèrent discrètement. On lisait alors dans les yeux d'Akab, flamboyant de mépris et de triomphe, tout son funeste orgueil. Gouvernant à présent sur le sud-est au moyen de l'aiguille aimantée d'Akab, le Pequod poursuivait sa route en direction de l'équateur. Alors que, peu avant l'aube, le navire passait au large d'un petit archipel d'îlots rocheux, les hommes de quart sursautèrent en entendant un cri abominablement plaintif comme venu de l'au-delà. Quelque chose qu'on aurait dit être les gémissements des fantômes des innocents massacrés par Hérode. Tous, sans exception, furent tirés de leur rêverie, chacun demeurant un instant figé dans sa position, debout, assis ou penché, tendant l'oreille tout le temps que dura cette épouvantable lamentation. Certains affirmèrent en frissonnant qu'il s'agissait de sirènes. Un matelot grisonnant de l'île de Man, le doyen du bord, nous assura que ces sons angoissants et sinistres étaient les voix d'hommes récemment noyés. Flask rapporta la scène à Akab qui venait de monter sur le pont, accompagnant son récit de sombres allusions et sous-entendus. Le capitaine eut un rire grave. Le mystère est facile à expliquer. Ces îles rocheuses sont le lieu de rassemblement de vastes troupeaux de phoques. Quelques animaux, des mères cherchant leurs petits ou des jeunes cherchant leur mère, ont dû émerger près du navire et lui tenir compagnie un moment en poussant leurs cris qui ressemblent à s'y méprendre à une lamentation humaine. Loin de rassurer l'équipage, cette explication ne fit que troubler davantage certains des hommes. Les phoques sont l'objet de nombreuses superstitions chez les marins, non seulement à cause des sons particuliers qu'ils produisent pour exprimer leur détresse, mais aussi en raison de l'apparence humaine de leur tête ronde et de l'espèce d'intelligence que présente leur visage scrutateur quand on les voit paraître à la surface de l'eau près du bord. Et les funestes pressentiments des plus superstitieux parurent confirmés lorsque le bruit se répandit un peu plus tard dans la matinée qu'un marin, monté au lever du soleil à la vigie du mât de misaine et sans doute dans un état à demi somnambulique, était tombé à l'eau depuis son haut perchoir. On lui avait aussitôt jeté de l'arrière où elle demeurait toujours suspendue notre bouée de sauvetage, une longue et mince barrique. Mais le bois en était si sec que le tonneau suivit le marin dans les profondeurs, comme pour lui servir d'oreiller. Un oreiller un peu dur, en vérité. Cet accident suscita bien des commentaires. Songez-y. Le premier homme du Pequod grimpait à la pomme d'un mât pour guetter le cachalot blanc, dans les parages de pêche qu'on savait être les siens et ceux de nul autre. Cet homme avait été englouti dans l'abîme. Mais il fallait maintenant songer à remplacer la bouée de sauvetage perdue. La tâche en incomba à Starbuck, mais ce fut mon ami Kikeg qui, à grand renfort de signes et d'allusions étranges, suggéra quelque chose au sujet de son cercueil. Faire d'un cercueil une bouée de sauvetage. Qu'en pensez-vous, monsieur Stubb ? L'idée est assez bizarre, je l'avoue, monsieur Starbuck, mais pas si mauvaise. Le charpentier peut apprêter cela facilement. Eh bien, allez le chercher, puisque nous n'avons pas d'autre solution. Arrange-moi cela, charpentier. Et ne me regarde pas ainsi. Dois-je trouver le couvercle, monsieur ? Bien sûr. Et calfater les joints, monsieur ? Certes. Puis recouvrir les toupes de braie, monsieur. Quelle mouche te pique, Phil ? Fais une bouée de ce cercueil. C'est tout. Je fabrique une jambe pour le capitaine Akab et il la porte avec élégance. Puis je fabrique un carton à chapeau pour Kikeg et il refuse d'y mettre la tête. Fallait-il que je me donne tant de mal en pure perte avec ce cercueil ? Et maintenant, on me commande d'en faire une bouée de sauvetage. C'est comme de retourner un vieux manteau et de mettre le côté chair à l'extérieur. Non, je n'apprécie pas ce travail de raptassage. Où est le prestige ? Et puis ce n'est pas dans mes fonctions. Moi, j'aime m'attaquer aux travaux neufs, propres, bien carrés, mathématiques, et non à ces besognes qui se terminent au milieu et qu'on entame par la fin. Quelle tristesse. Et songez que je vais devoir monter en croupe sur un cercueil. Ah, capitaine. Qu'est-ce que c'est ? Une bouée de sauvetage, monsieur. Ordre de monsieur Starbuck. N'es-tu pas le fabricant de jambes ? Dis-moi, ce pilon ne vient-il pas de ta boutique ? Mais oui, monsieur. Est-ce que la virole tient, monsieur ? Suffisamment. Mais n'es-tu pas également l'entrepreneur de pompes funèbres ? J'avais arrangé cette boîte pour faire un cercueil pour Kikeg, mais on me demande maintenant de le transformer en autre chose. Mais alors, dis-moi, tu es donc un fiefé coquin qui se mêle de tout, fait main basse sur tout ce qui passe à sa portée, une vieille canaille barbare qui fabrique des jambes et le lendemain des cercueils pour les y enfermer, puis un autre jour fait des bouées de ces mêmes cercueils. Tu es aussi dénué de principes que les dieux, et comme eux, un touche-à-tout. Mais je n'ai aucune intention particulière, monsieur. Je fais comme je fais. Les dieux, encore un coup. Bon, allez, à toi. Oh, le tac-tac. Tac-tac de ce marteau. Quelle musique. Serait-ce le tic-tac des vies humaines ? Comme tous les matériaux sont immatériels. Où sont les choses réelles, sinon dans l'irréalité de nos pensées ? Voici que le plus pur hasard transforme le terrifiant symbole de la malmort en un signe expressif de l'aide et de l'espoir de la vie exposée au plus redoutable péril. Un cercueil devenu bouée de sauvetage. Peut-on aller plus loin encore ? Se pourrait-il qu'il y ait là un sens spirituel et que le cercueil ne soit, après tout, qu'un appareil de sauvetage de nos âmes immortelles ? J'y penserai. Mais non. Je me suis enfoncé si loin dans la moitié ténébreuse de la Terre que l'autre moitié, en théorie lumineuse, ne m'apparaît plus que comme un crépuscule incertain. N'en auras-tu donc jamais fini, charpentier, avec ce maudit bruit ? Je descends. Fais en sorte que je ne revoie pas cette chose quand je remonterai. C'était Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville, traduction et adaptation de Philippe Jaworski. 10e épisode avec Christophe Giordano, Ismaël, Jean-Pierre Calfon, le capitaine Acab, Olivier Claverie, Starbuck, Didier Brice, Stubb, Jean-Paul Bézina, le charpentier et Maurice Anthony, Olivier Arrigui, Grégory Kidel, Abel Aboilitaine, Pierre-Jean Pagès, Donatien Guillot, Jacques Leplus, Xavier Cato. Et avec Philippe Brunto, disparu en mer. Bruitage. Patrick Martinache. Équipe de réalisation. Philippe Carminati, Adrien Roch, Marie Placet, Jean-Mathieu Zand. Moby Dick de Herman Melville est publié sous la direction de Philippe Jaworski à la Bibliothèque de la Pléiade.